Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va maintenant poursuivre sur le thème de la physique et de l'hiver en s'intéressant au verglas qui transforme les routes en patinoires. Alors, c'est Valérie qui va nous raconter comment se forme le verglas. Oui, et pour utiliser les bons termes, je commencerai par dire que le verglas ne tombe pas du ciel. Ce qui tombe du ciel, c'est de la pluie ou de la bruine verglaçante. Et que le verglas est la couche de glace qui se forme au sol quand les gouttes de pluie touchent le sol. Ensuite, je préciserai aussi que la goutte d'eau ne se transforme pas en glace parce que le sol est gelé, mais tout simplement parce qu'elle, mais aussi parce qu'elle touche le sol. Ou qu'elle touche un autre objet, parce qu'en fait, du verglas se forme aussi quand la goutte d'eau touche les arbres ou des fils électriques. Alors, si c'est pas juste à cause du sol gelé que se forme le verglas, c'est à cause de la goutte elle-même. Donc, peut-être qu'il se passe quelque chose de particulier dans la goutte. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait geler la goutte de pluie? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette goutte de pluie? Alors, c'est là qu'il faut faire un petit détour par la physique. On sait que la matière existe sous trois états, le solide, liquide et gazeux. Mmh. Et puis, on sait aussi que la matière passe d'un état à l'autre dans des conditions bien précises. Alors, à la pression atmosphérique au niveau de la mer, à la pression atmosphérique normale au niveau de la mer, l'eau gèle à 0 degré et boue à 100 degrés. Bon, j'apprends rien à personne. À moins 5 degrés, on a de la glace. À 0 degré, on a un mélange de glace et d'eau. Et à plus 5, on a de l'eau. Alors, quand la glace fond, c'est la fusion, et quand l'eau gèle, c'est la solidification. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a des situations où l'eau peut être liquide, même à moins 5 degrés. Et là, on est en situation de surfusion, et c'est pas un phénomène si exceptionnel que ça. Donc, l'eau des gouttes de pluie verglaçante est justement dans cet état de surfusion. Elle est liquide alors que sa température est inférieure à zéro. Puis d'ailleurs, quand il y a des épisodes de pluie verglaçante, il pleut, mais bien souvent, la température est en dessous de zéro. Puis on est toujours un petit peu surpris, on aimerait bien qu'il neige, mais il fait moins 5 et c'est de l'eau qui tombe de la pluie. Donc, il pleut, il fait moins 5. Donc, revenons à la surfusion, c'est un état qui est très instable et tellement instable qu'il suffit d'une petite perturbation pour que cet état se brise. Alors, est-ce que notre goutte d'eau de pluie verglaçante qui tombe ne connaît pas à un moment donné une perturbation? Quand elle touche le sol, peut-être? Ben oui. Donc, quand elle touche le sol, c'est sûr que là, c'est s'écrabouille sur le sol. C'est une profonde perturbation. L'équilibre instable est rompu. Et l'eau reprend son état normal à la température à laquelle elle est. Et comme elle est à une température inférieure à zéro, elle gèle et elle forme du verglas. Mais comment ça se fait que l'eau de pluie verglaçante, en fait, soit en surfusion? Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut se poser la question. Comment ça se fait que cette eau qui tombe à une température inférieure à zéro soit en dessous de... à l'état liquide. Alors là, il faut faire un petit détour par la météorologie. Donc, au-dessus de nos têtes, il y a des masses d'air qui font la pluie et le beau temps. Il y a des masses d'air chaud et des masses d'air froid. Puis ces masses d'air se bousculent un peu. Et quand une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid, qu'est-ce qui se passe? L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc, la masse d'air chaud se passe au-dessus de l'air froid. Des fois, il y a même des orages qui se passent aussi. Oui, aussi. Ça, on va dire que c'est plus, généralement, c'est plus en été. Oui, c'est vrai. Donc, ce passage est quand même progressif. Et pour se le représenter dans la tête, faut imaginer, par exemple, la pente d'un toboggan où le toboggan matérialiserait la séparation entre la couche d'air froid qui est en bas et la couche d'air chaud qui est au-dessus. Donc, l'air froid glisse en dessous et l'air chaud glisse glisse au-dessus en remontant la pente du toboggan, histoire de se représenter un petit peu ce qui se passe. Donc, quelqu'un qui est sur Terre, qui est sous le toboggan, s'il regarde au-dessus de lui, il a la couche d'air froid et plus haut, la couche d'air chaud. Et puis, bien sûr, l'épaisseur de chacune de ces deux couches, ça va dépendre où on se trouve sous le toboggan. Si on est complètement au bout du toboggan, là où il touche le sol, il y a très peu d'air froid. Et puis, on a presque toute la masse d'air chaud au-dessus. Par contre, si on se trouve du côté de l'échelle, il y a une grande masse d'air froid et la couche d'air chaud est beaucoup plus haute au-dessus. Donc, et au-dessus de tout ça, en très haute altitude, il fait froid. Il se forme des précipitations sous forme de neige. Les flocons vont tomber, ils vont traverser successivement les deux couches, donc la couche d'air chaud, puis la couche d'air froid. Donc le flocon qui va traverser la couche d'air chaud va commencer par fondre. C'est ça. Donc là, on va avoir de l'eau. Puis après, il va traverser la couche d'air froid. Mais il va se trouver dans cette situation de surfusion. C'est ça. Il gèlera pas. Il gèlera pas. Donc, il va être en état de surfusion. Il va rester liquide, même s'il fait sous zéro et il pleut. Et donc, c'est là qu'on a de la pluie verglaçante. Et quand on a de la pluie verglaçante, on a aussi souvent une période de grisille. Comment est-ce que ça s'explique, ça, Valérie? Oui, c'est une bonne observation. Alors là, ça dépend, comme je le disais, de l'épaisseur de couche d'air froid qu'on a au-dessus de notre tête. Hein. Donc, pour reprendre l'image du toboggan, on imagine qu'on est du côté de l'échelle. Donc, avec une grande masse, on a donc au-dessus de nous une grande masse d'air froid. Donc, dans ce cas, ce qui se passe, c'est que le flocon a traversé la masse d'air chaud, il a fondu, c'est de l'eau, et maintenant il rentre dans cette masse d'air froid qui est quand même assez haute au-dessus de nous, et la goutte d'eau a le temps de se regeler, mais au lieu de geler comme un beau cristal de neige, il gèle en boule et ça fait ça fait du grésil. En général, dans un épisode de pluie verglaçante, on a d'abord la neige, puis du grésil, puis du verglas. Donc voilà pourquoi on peut se poser la question, pourquoi le grésil avant le verglas? En fait, les masses d'air bougent au-dessus de nos têtes. Donc on va reprendre l'image du toboggan avec nos deux masses d'air froid et chaud. Imaginez ce toboggan qui se déplace au-dessus de nous. Donc, si on est au début du côté de l'échelle, on a la masse d'air froid au-dessus de nous, qui est assez importante, comme je l'expliquais. Les gouttes d'eau regèlent en boule et forment du grésil. Puis le toboggan poursuit sa route au-dessus de nous. La masse d'air froid diminue. La pluie tombe sans regeler et pendant sa chute, mais elle regèle en touchant le sol et forme le verglas. Puis finalement, le toboggan a fini de passer. Puis là, on n'a plus que la masse d'air chaud et il pleut. Effectivement. Donc, on a cette succession. On a toujours un cocktail parce que ça dépend où on se trouve sous le toboggan. Comment le toboggan se déplace au-dessus de notre tête. Alors, merci beaucoup, Valérie. En parlant de cocktail, on va aller prendre un verre de gin sur glace. Ah oui? D'accord. On passe en pause musicale.